بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد frères et sœurs en islam, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته et bienvenue à une autre séance sur la croyance dans la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et toujours avec Al-Aqida Al-Tahawiyya, on parle toujours du concept de la foi, le concept de la foi en islam dans la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. On a déjà démontré, on a déjà expliqué, et on va le voir plus tard, dans d'autres exemples, à travers d'autres exemples, que les diverses formes de déviance dans le concept de la foi, la plupart d'entre elles, c'est vraiment, ça frôle l'exagération. Ça veut dire qu'on n'a pas tellement besoin de tellement d'intelligence pour comprendre que celui qui te dit que la foi, c'est seulement dans le cœur, ne représente pas le vrai concept de la religion, de la foi dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là où ça devient vraiment subtil, comme ils disent, où on a besoin vraiment de bien comprendre c'est quoi la différence, c'est sur le point de la différence d'opinion entre les savants, la majorité des savants de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la minorité des Hanafis. La minorité des Hanafis. Ça veut dire que ça, c'est un point qui mérite plus d'approfondissement. Donc ça mérite de s'approfondir un peu sur ce point, la question de la différence entre l'opinion des Hanafis et l'opinion des autres grands savants de l'islam. Il faut comprendre c'est quoi les points qui sont communs et c'est quoi les points qui sont de différence. Comme j'ai dit ici, pour que il n'y a pas des personnes qui vont prétendre « Ah, moi j'ai la foi dans le cœur et je le dis avec ma langue, comme le disent les Hanafis. Alors je fais ce que je veux. » Et il faut noter ici qu'il y a certains ulama, certains savants, certains grands savants de l'islam, dont Imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, qui disent que la différence d'opinion entre les Hanafis et entre les autres savants de l'islam, comme ils disent en anglais, « It's not a big deal. » C'est une différence d'opinion, une divergence symbolique. Ça veut dire que c'est juste deux façons différentes d'exprimer la même chose. Deux façons différentes d'exprimer la même chose. Et il y a d'autres savants de As-Sunna qui sont plus stricts là-dessus et qui sont vraiment sévères avec les Hanafis, qui disent non, non, non, non, non. Parce que si on va accepter ces paroles-là, ça pourrait mener à d'autres choses. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont les utiliser à mauvais escient. Ils vont te dire, ah, comme les Hanafis, ils ont dit, la foi, c'est dans le cœur et la langue. Laisse-moi tranquille. Je ne fais pas ma prière, je fais ce que je veux, le haram, etc. Et laisse-moi tranquille parce que j'ai la foi. Donc, regardons c'est quoi les points communs entre les Hanafis et les autres et les points de divergence. Première chose, tous les savants de l'islam, de la sunna, prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire à part les gens des différentes sectes et ainsi de suite, s'entendent pour dire que l'islam est une religion qui s'étend au cœur, à la langue et aux actions. Que l'islam, c'est une religion qui nous parle de nos actions aussi. Et comme j'ai dit, la meilleure preuve de donner pour ça, c'est que les Hanafis sont des savants principalement de jurisprudence. La jurisprudence, c'est une science de quoi ? D'action en général. La jurisprudence, c'est des actions. Va te parler de tout. De ton argent. Qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram. De ta zakat, de ton pèlerinage. Donc ici, c'est des actions. Donc il n'y a pas personne qui va prétendre, qui va oser nous dire que les Hanafis, ils croient que les actions ne font pas partie de l'islam du tout. Ça, c'est impossible. Ça veut dire que les Hanafis étaient en train de perdre leur temps à nous dire qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram, alors qu'en réalité, ils nous disent que non. La religion, rien à voir avec les actions. Deuxième chose, c'est quoi leur point de divergence? Ils divergent sur l'inclusion des actions dans la foi en tant que telle. Ça veut dire, la majorité des savants, ils te disent, la foi, qui pourrait nous rappeler encore une fois, qu'est-ce qu'ils disent la majorité des savants? La foi c'est quoi? Ça se trouve où? Le cœur, la langue et les actions. Les Hanafis, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, non, les actions, tu retires ça. Et tu dis que la foi, c'est dans le cœur et les actions. Mais attention, les Hanafis vont te dire, cette foi-là, qui est dans le cœur et dans les actions, dans le cœur et dans la langue, elle implique les actions. Vous comprenez? Ils te disent la relation entre eux. Ils te disent que les actions, comme ça pour donner avec l'image plus simple, ils te disent que les actions ne font pas partie de la même famille que la foi. Elles n'entrent pas dans le concept de la foi. Elles ne sont pas la bienvenue. Ici, ici, cette salle-là, c'est la salle de la foi. On accepte que le cœur est la langue. Le cœur est la langue. Mais ils te disent, les bonnes actions, c'est notre meilleur ami. On ne peut pas vivre sans ça. C'est une question d'implication. Ça veut dire qu'on la retrouve ici à la porte, n'est-ce pas? Tu ne peux pas avoir cette salle, qui est la foi, sans les actions. Quand il y a la salle, il y a les actions. Et pourquoi? C'est parce qu'on a un hadith évident du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, « Inna fil jasadi mudra » que dans le corps entier, nous avons une partie. « Idha saluhat » quand cette partie-là est sur la droiture, le reste du corps va être sur la droiture. Quand cette partie-là est saine, le corps sera sain. Et quand cette partie-là est corrompue, le corps sera corrompu. Quelle est cette partie-là? Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le cœur. Ça veut dire, ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a défini une relation d'implication. Le cœur est bon, ça implique que les actions seront bonnes. Le cœur est mauvais, ça implique que les actions seront corrompues. C'est exactement la même chose. Les Hanafis te disent, alors voilà, la foi c'est ça, mais la foi, si elle est existante, elle va impliquer que les bonnes actions seront là. Vous comprenez? Non. Ils s'entendent tous aussi sur le fait que désobéir à Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, c'est quelque chose de blâmable. Vous comprenez? Donc ici, la divergence. On va prendre un exemple. Quelqu'un commet un péché majeur, n'importe quel péché majeur, il boit de l'alcool. Interprétation faite par les Hanafis, interprétation faite par le reste de la majorité des savants. La majorité des savants, ils vont te dire, « Ah, sa foi a été affectée. Sa foi vient de baisser. Elle vient de devenir imparfaite. Elle vient de perdre une partie comme ça, qui sait, elle est tombée. » Vous comprenez? Les Hanafis ne vont pas dire « Ah, c'est pas grave, notre frère, il a la foi dans son cœur, on le connaît très bien, il est sincère, il est gentil. » Non. Ils vont dire « Ah, il vient de désobéir à Allah. » C'est blâmable. Mais ils vont dire « C'est pas que la foi vient de baisser. C'est parce que la foi était faible à la base que ça a impliqué qu'il n'a pas fait cette bonne action. » Ça veut dire « La foi dans le cœur est faible. » C'est pour ça que ça a impliqué qu'il n'avait pas la puissance et la motivation et la détermination de délaisser l'alcool. Il a bu de l'alcool. Ça veut dire, ça implique que le cœur à l'intérieur, il est corrompu. Vous comprenez? Je répète? Oui et non, pas nécessairement. C'est pas nécessairement le cas. Voyez-vous, ils vont trouver d'autres façons de détourner. On va voir ça un peu plus tard, Inch'Allah. C'est comme j'ai dit, ils parlent plus ici de la question de l'implication. Voyez-vous, ils parlent plus de la question de l'implication, mais ils te disent, les actions en tant que telles ne font pas partie du concept de la foi. On va parler de ça plus en détail, Inch'Allah, quand on va parler de la relation entre interne et externe, entre le cœur et les actions. Oui. Exactement. Exactement. Exactement. Les actions ne font pas partie du concept de la foi. Les actions sont une implication de la foi. Je te dis, c'est une question de cause à effet. Cause à effet. Voyez-vous? Oui. Selon eux, la foi, c'est elle qui va pousser à faire les actions. C'est? C'est elle qui va te pousser à faire les actions. Exactement. Ça, tout le monde est d'accord. Voyez-vous que ce qui est dans le cœur, il va te pousser à faire les actions. Mais, selon la majorité des ulama, ça c'est un seul. On va voir c'est quoi les implications de ça plus tard, Inch'Allah. On va voir qu'il y a des implications. Voyez-vous que, encore une fois, cette différence-là peut avoir certaines implications. Même si, subhanallah, regardez. Je vais vous donner un exemple comme ça avant de finir, Inch'Allah. voyez que parfois les ulama, en théorie, ils parlent de quelque chose, mais en pratique, surtout quand cette théorie-là était faussée à l'avance, en pratique, ça va être le contraire. Subhanallah, dans le chapitre de ce qu'on appelle Ar-Ridda, vous savez c'est quoi Ar-Ridda ? L'apostase. Ça veut dire que c'est le contraire, ça veut dire quelqu'un il était dans la foi, après ça, il a perdu sa foi, l'iyad billah. N'est-ce pas ? Ça veut dire le contraire de la foi. Logiquement, les Hanafis devraient être plus tolérants, plus souples dans cette question-là de l'apostasie. Voyez-vous, c'est parce qu'ils te disent que cette question-là de... Bon, les actions ne font pas partie de la foi. En réalité, subhanallah, dans la jurisprudence, les Hanafis sont des plus durs sur la question de l'apostasie. Sur la question de l'apostasie. Certains savants hanafis disent même que si quelqu'un il prend un verre d'alcool comme ça, prend un verre d'alcool, il dit bismillah et il boit. S'il dit bismillah avant de boire l'alcool en sachant que ça c'est de l'alcool, il te dit ça c'est de l'apostasie. Kufr billah azza wa jal. C'est parce qu'il considère que ça c'est istihza. C'est une forme de moquerie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme tu sais que tu vas désobéir à Allah, tu vas dire bismillah. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? C'est comme si tu ne prends pas la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala au sérieux. Voyez-vous, donc, parfois la théorie c'est une chose, mais ils savent que la théorie est un peu incohérente en quelque sorte. Donc quand on revient à la pratique, ils vont être directs et ils vont s'entendre avec le reste des savants et le reste des ulama, comme on l'a mentionné en quelque sorte. Non. Non. Maintenant, c'est quoi? Regardez. Qui pourrait nous rappeler maintenant? Je vais vous demander la question. Si quelqu'un vous demande dans la rue, à la mosquée, quelqu'un vous demande cette question. Ils vous disent, que penses-tu de l'opinion des Hanafis sur la foi? Est-ce que tu es d'accord avec eux? Tu n'es pas d'accord? Quelle est ton opinion comme ça? Qu'est-ce que les savants disent sur ça? Comment est-ce que tu vas la critiquer, l'opinion des Hanafis, la position des Hanafis sur la question de la foi? Donc, selon une opinion, selon certains ulama, comme Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, ils disent, c'est pas un grand problème. Khilaf ul-lafdi, c'est symbolique, tant qu'à la fin, en fin de compte, on s'entend pour dire que le haram, il est blâmable et que l'obligatoire est, et que l'obligation est importante dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi l'autre opinion qu'on avait donnée? Certains ulama sont plus durs. Ils disent que non, ça c'est une innovation, c'est une bid'a dans la religion, etc. Même si ça vient des grands savants, des hanafis, etc. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils veulent fermer la porte. Ils ne veulent pas que ce chemin-là soit ouvert. C'est parce que ce chemin-là a été ouvert par certaines formes, comme on l'a mentionné, de murji'a, qui peuvent aller vraiment à l'extrême. Et qui vont prétendre, ils vont dire cette phrase-là, « La yadurru ma'al imani dhambun ». La yadurru ma'al iman idhambun. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase tellement magique? Hein? Ça veut dire qu'avec la foi, tant que tu as la foi, rien ne peut te faire du mal. Rien ne peut être nocif avec la foi. Ça veut dire tant que tu as la foi dans ton cœur, do whatever you want. Et ça, vous devez le connaître, comme l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit encore une fois, il dit il n'y a aucun savant, même les savants de Murji'a, il n'y a aucun savant qui a dit quelque chose de pareil. Ça veut dire, ça c'est, il dit, ça s'il y a quelqu'un qui l'a dit, ça doit être des gens de Al-Ibahiyya, etc. Ça veut dire des voyous, des gens qui n'ont rien à voir avec la religion, n'est-ce pas? C'est son excuse, en quelque sorte. Il va te dire, bon, tant que moi j'ai la foi, j'ai le iman, je fais tout ce que je veux, je peux désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadu billahi ta'ala. Et ça, bien sûr, c'est une chose qui est très dangereuse. La prochaine fois, Inch'Allah, on va parler des preuves de pourquoi est-ce que l'imam Abu Hanifa et les Hanafi, ils ont dit que l'action ne fait pas partie de l'iman. On va prendre ça preuve par preuve et voir comment répondre à ces preuves, Inch'Allah ta'ala. Bien sûr, de façon, c'est un débat, pas en train de faire de la réplique. Les Hanafis sont des grands savants, on est en train de faire un débat comme l'imam ici, il nous fait l'explication dans son livre, l'imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, rahimahullah ta'ala. En passant, qui pourrait nous rappeler l'imam Tahawi, l'auteur de ce texte, il est de quel madhab? Hanafi. C'est pour ça, dans son texte, il est un peu... Il essaye de prendre ça un peu comme milieu, voyez-vous, sur ce genre de questions-là de l'imam. C'est pour ça que certains ulama l'ont critiqué sur ces points-là. Et celui qui a expliqué le texte, quelques siècles plus tard, l'imam Ibn Abi al-Izz, il est de quel madhab? Hanafi aussi. Donc lui, il a fait la même chose, mais il a essayé de rapprocher ça encore plus vers la vérité. Mais il a gardé ça un peu politiquement correct. Hein, un peu entre Hanafi et un peu entre eux, les autres savants. Donc il y a encore certains points qui sont critiquables, mais comme on l'a dit, on n'est pas en train de parler ici d'innovateurs, etc. C'est des grands savants de l'islam. Oui. Ok, juste une petite précision. Quand on dit les sunnites, parce que les hanafis, c'est aussi des sunnites. Ça veut dire, nous, on parlait de la majorité des sunnites. Sur cette question-là, il y a la majorité des sunnites, les trois madahib, Maliki, Shafi'i, Hanbali, et aussi plusieurs hanafis. Ce n'est pas tous les hanafis qui disent ça. Il y a une minorité de hanafis qui se sont ralliés au reste des ulama pour dire la même chose que la majorité. Et il y a la minorité des sunnites sur ce point-là qui est les hanafis. Les autres, ils vont dire que l'action, si quelqu'un, mettons moi, je dois faire, par exemple, je dois obéir à mes parents. Ma mère me demande de rester à la maison. Je lui désobéis. Là, j'ai failli à l'une des obligations de ma religion. Ils disent que cette action-là, l'obéissance aux parents, fait partie de la foi. Donc, en désobéissant à mes parents, il y a une partie de la foi qui est tombée. Ma foi est incomplète. Ils ne regardent pas ça comme une question de simple implication. En plus de l'implication entre le cœur et la foi, ils vont te dire c'est la foi en tant que telle qui vient de tomber. Voyez-vous ? L'implication de quoi de ce point-là, c'est quoi ? Pour clore, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui, avec ce point, inshallah ta'ala. Pour sortir avec quelque chose de pratique. Pourquoi est-ce que ça, c'est une question qui est tellement importante ? Si on parle de nos jours, on va donner des exemples comme ça, clairs et évidents. Comme on l'a mentionné, il y a des gens qui te disent « Tu ne peux pas le juger, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de son cœur. » Ça, c'est vrai et c'est faux. Dans certaines positions, dans certaines situations, cette réponse-là, oui, c'est vrai. Je ne peux pas... Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas de demandé d'ouvrir les cœurs des gens pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, vous voyez. Je ne peux pas regarder quelqu'un comme ça et dire « Ah, ça, c'est un menteur. C'est un hypocrite. Je le vois dans ses yeux. » Qui t'a donné le droit d'ouvrir son cœur pour vérifier. Mais attention, vu que les actions font partie de la foi, les actions peuvent nous indiquer c'est quoi le degré de la foi dans certaines situations. Et peuvent nous indiquer même là l'inexistence de la foi. L'exemple de ça, c'est quoi ? On va prendre des exemples clairs que les gens ils ont dit. Parce que l'impact de ça, c'est quoi ? C'est sur la question de l'apostasie, de ridda. N'est-ce pas, surtout de nos jours, là c'est une question qui est tellement importante. Quand quelqu'un atteint un certain degré, il y a des personnes qui se posent cette question, mais est-ce que c'est vraiment des musulmans ? Regarde ce qu'ils font, regarde ce qu'ils font, regarde ce qu'ils font, regarde. C'est pas une question de seulement, je dis seulement entre guillemets comme ça, boire de l'alcool ou bien faire le haram. C'est plus loin que ça, voyez-vous. Donc si on va prendre des exemples, les ulama, on va parler de ça un peu plus tard, inshallah. Les ulama, ils disent par exemple, « Qatilu an-nabi » Si quelqu'un assassine un prophète, est-ce que c'est déjà arrivé à travers l'histoire ? Oui, lors du temps de Banu Israël. فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ Il y a des nations qui ont tué, assassiné leur prophète. Ils n'ont pas aimé la religion qui l'a ramené. On dit, on va l'assassiner. Des rois, des dignitaires, etc., qui ont décidé de l'assassiner. Si quelqu'un dit, moi, je crois que lui, c'est un prophète de Dieu. Moi, je l'aime. Et moi, tel et tel et tel sont. Je vois Ash'hadou, etc. Mais je l'assassine. Il va l'assassiner en fin de compte. Comment ? C'est quoi le cas de cette personne ? C'est quoi le jugement face à une telle personne ? Qu'est-ce qu'il vient de faire ? C'est de l'apostasie. C'est clair ou c'est pas clair ? C'est pas de l'hypocrisie, ça devient de l'apostasie. Il sort de la foi. Ça veut dire, indépendamment, même s'il jure du matin au soir que lui, il croit en Allah, il croit en ce prophète, il fait des prières, ainsi de suite, tu viens d'assassiner un prophète, c'est de l'apostasie. Tu es sorti de la religion. Tu ne peux pas espérer entrer au paradis alors que tu viens de tuer un prophète. Voyez-vous, ce n'est pas comme tuer une personne normale. Même tuer une personne régulière, c'est un péché immense. Que dire du fait de tuer un prophète ? Alors, le problème de cette croyance-là de l'irja qui s'est répandue dans la Ummah, dans certains siècles et même de nos jours malheureusement, c'est quoi ? C'est dans une situation pareille, comme ça en théorie, il va te dire « Mais non, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de son cœur. Tant que lui n'a pas déclaré que lui, il est mécréant, tu ne peux pas juger de sa mécréance. Voyez-vous, si quelqu'un va dire « moi, je suis musulman » et va profaner le Coran, il va maltraiter le Coran, le mushaf, il va le jeter par terre, etc. et ainsi de suite. Il y a des gens qui vont dire « mais qu'est-ce qu'on va faire ? Mais subhanallah, mais on ne sait pas quoi faire, on veut faire quelque chose. Mais c'est notre frère en islam, mais ce n'est pas ton frère en islam ?» quelqu'un qui profane le Coran, c'est ton frère en islam ? Est-ce que ça, c'est concevable ? Est-ce que ça se peut que quelqu'un qui est un grain, comme ça, de foi dans son cœur, peut profaner le Coran et le jeter par cœur et dire « ça, je sais que c'est le Coran et je le jette par terre ». Est-ce que quelqu'un peut le faire ? Non. Ça, c'est une action d'apostasie et on est à l'unanimité par tous les savants de l'islam, comme j'ai mentionné, même les Hanafis et ainsi de suite. Maintenant, la différence, c'est quoi ? C'est dans l'interprétation. La majorité des savants vont te dire « ah, cette action-là, c'est une action d'apostasie. Le fait de maltraiter le Coran, de le profaner d'une telle sorte, ça te fait sortir de l'islam. » Les savants Hanafis vont dire « non, ça, c'est une action. » Mais l'action nous indique qu'à l'intérieur du cœur, la croyance ou bien la soumission à Allah n'est pas existante. Donc la foi est partie, voyez-vous. Mais de nos jours, il y a des gens qui ont pris ça à un degré plus loin, ils vont te dire non, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du cœur de la personne, n'est-ce pas ? Il peut faire des génocides, tuer des gens, détruire des mosquées, faire ce qu'il fait. À la fin du compte, c'est notre frère en islam, qu'Allah lui pardonne. Ça va s'arrêter où, ton frère en islam ? C'est quoi les limites ? Voyez-vous, toute religion doit avoir des limites, n'est-ce pas ? Dans n'importe quel pays, pour vous donner des exemples comme ça, pour finir, logiquement comme ça, en plus des textes qu'on vient de dire sur la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans n'importe quel pays, une personne, elle est née avec sa citoyenneté ou bien une citoyenneté qui est naturalisée, ainsi de suite, mais il y a des choses qu'on considère comme étant une trahison. Ça veut dire, conséquence, on t'enlève ta citoyenneté. Tu ne peux pas être un citoyen de ce pays et trahir clairement comme ça, ouvertement, les intérêts de ce pays. Voyez-vous ? Si quelqu'un, je vais vous donner un exemple comme ça. Rien à voir avec la religion, mais pour que les frères comprennent comme ça. Si quelqu'un, il dit, telle équipe de foot, de hockey, n'importe quelle chose, n'est-ce pas, telle équipe ou telle autre équipe, sans donner des noms d'équipe, on ne va pas leur faire publicité gratuite. Ça, c'est mon équipe favorite. Et j'ai à la maison comme ça des drapeaux partout et regarde, je porte leur chandail et ça c'est mon joueur préféré comme ils font comme ça les gens qui sont fanatiques et ainsi de suite. Ils te disent ça c'est mon équipe favorite. Mais à chaque fois ils te disent j'espère qu'aujourd'hui ils vont perdre. Je souhaite qu'ils vont perdre. Ah non, ils viennent de marquer un but. Ah non, ils vont gagner. Oh, je veux pas qu'ils gagnent. N'est-ce pas ? À chaque fois ils te disent est-ce qu'il y a quelqu'un de sensé dans ce bas monde qui va l'appeler un fan de telle équipe ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va le croire vraiment que lui, il aime telle équipe ? Est-ce que tu peux aimer une équipe et toujours souhaiter qu'elle perde et toujours être contre elle ? Impossible ! N'est-ce pas ? Si les gens, même les musulmans, si les musulmans comme ça, dans les stades et ainsi de suite, ils voient quelqu'un comme ça, n'est-ce pas ? Il va entrer dans leur camp comme ça, ils portent les mêmes drapeaux, etc. Mais il va leur dire, j'espère qu'ils vont perdre. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire ? Ils vont le lyncher. Il sera yani, chanceux s'il va sortir heureux et vivant. Pourquoi ? Ils vont dire, ça c'est un ennemi, c'est devenu un ennemi. C'est mon ennemi, je ne peux pas l'accepter dans mon camp. Voyez-vous, c'est un traître. Mais subhanallah, quand il s'agit de la religion d'Allah, les gens vont accepter ça. Ils vont accepter que quelqu'un accepte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit insulté. Il va encourager celui qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va encourager ceux qui désobéissent à Allah. Il va interdire aux gens d'aller à la mosquée. Ceux qui vont à la mosquée pour le fait, il va les prendre en prison. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et après tout ça, il va te dire, mais il dit la ilaha illallah. C'est notre frère en islam. Qu'Allah le guide, qu'Allah le pardonne. Qu'est-ce qu'il reste de la religion ? Ça veut dire que c'est une religion qui n'a pas de limite. Ça veut dire que cette religion-là, ce n'est pas une religion. Ça veut dire tout ce que tu vois dans ce monde, ça peut être la religion de l'islam. Parce que la religion n'a pas de limite. Comme l'un des ulama, il a dit, Cheikh Ja'far Idris, hafidhahullah ta'ala, l'un des grands savants, vivant encore aujourd'hui, il a dit, « Dinun la takfira fihi laysa bidin. » Il a dit, une religion dans laquelle il n'y a pas de concept d'apostasie n'est pas une religion. C'est parce que ça, il n'y a plus de limite dans la foi. Subhanallah, même de nos jours, même dans le christianisme, il y a l'excommunion, n'est-ce pas, l'apostasie. L'Église va déclarer, bien sûr, de façon différente, va déclarer que telle personne-là, on ne peut plus accepter dans la religion. On va le dénuyer, en quelque sorte, de son droit à l'accès au paradis. Mais nous, on ne fait pas ça, bien sûr. Ce n'est pas, c'est pas la décision de la mosquée de faire sortir et de faire entrer dans la personne dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des choses qui sont déjà définies par Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Une personne qui va faire la prière, qui dit la combinaison, et après ça, il va dire « Oh, les lois d'Allah ». On va voir tout ça, Inch'Allah. En détail, on va voir une chose quand on va parler de qu'est-ce qui fait sortir la personne de la religion d'Allah. Ce matin, on va parler de tous ces exemples-là, Inch'Allah, en détail. Oui. Moi, je voulais parler d'un groupe, parce qu'on parle de Mawdia depuis tout à l'heure, et tout ça. Il y a des gens qui parlent beaucoup de théorie, mais qui, en pratique, ils vont dire, ah, ne parle pas sur telle personne, surtout comme ils vont dire aux gens, la femme grand péché, il a pris du pot ou n'importe quoi. Et quand il va s'agir de personnes connues comme le dirigeant, tu sais, il va dire ne le fais pas sortir de l'islam, même s'il ne fait pas la prière, même s'il empêche les gens de prier et tout ça. Ils se disent comme nous, on est sur la vérité et tout ça. Oui, exactement. C'est des. Comment on appelle ça? Comment on pourrait caractériser ça? C'est une forme de, n'est-ce pas, de contradiction de personnalité. C'est comme tu as deux personnalités, n'est-ce pas? Tu es tellement sévère envers un tel groupe de personnes et tellement souple envers un autre groupe de personnes. Alors que dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on va le voir et comme on est en train de le dire, est-ce que vous avez vu ici dans toutes les notes qu'on a mentionnées et dans les hadiths, etc., est-ce que vous avez vu une différence entre le riche et le pauvre, le dirigeant et l'esclave? Non. Le statut de la personne n'est pas important. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a jugé sur la personne. Que ce soit un dirigeant, un pauvre, un riche, etc., celui qui commet telle chose est considéré comme ça. Celui qui fait telle chose est considéré comme ça, et ainsi de suite. Oui. Oui, c'est parce que les gens n'ont pas, et c'est pour ça qu'on parle de ça, Inch'Allah, pour que les gens comprennent leur religion, Inch'Allah, pour faire face à ce genre de propagande parce qu'en général, c'est des gens qui répètent des cassettes. Voyez-vous, lui, il n'a rien compris de la question. Il a lu un livre comme ça. Ah, parce que le livre a l'air tellement brillant. Hein? C'est très superficiel et très officiel aussi, voyez-vous. Donc ça fait peur comme ça, bon, son éminence, telle et telle chose qui a écrit la préface, etc. Notre religion doit comprendre que l'islam, n'est-ce pas, ça doit être très clair, et même les chrétiens le savent et ainsi de suite, l'islam ce n'est pas comme le christianisme. On n'a pas comme ça des personnes élues que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que c'est eux qui détiennent la religion. Ce qu'ils décident eux, c'est ça la religion. Non, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de revenir aux savants, mais avant ça il nous a envoyé un prophète, nous avons notre livre, nous avons notre sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas me jouer des tours, n'est-ce pas? Même le savant, j'ai le droit de lui dire, où est-ce que tu as trouvé ça dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Où est-ce que tu as trouvé ça dans la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam? Si tu ne peux pas me répondre, va faire de la propagande ailleurs. Oui. Non, les sectes, c'est un nombre interminable. Mais ce qu'on appelle « usul al-firaq », ça veut dire les fondements majeurs des sectes. C'est comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que sa umma va se diviser en 73 sectes. On va parler de ça à la fin, inshallah. Notre dernier chapitre, on va parler de la question des sectes, bi-idnillahi subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il y a des questions sur le contenu d'aujourd'hui? Tout est clair? طيب جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك